C'est une chronique de fin d'année. On vit encore avec nos cahiers et nos cartables, mais aussi avec des disques et des jeux de société qu'exceptionnellement, on a le droit d'apporter en studio. Dans la tête, on est déjà en vacances. L'ambiance est de plus en plus décontractée. Sonia De Villers a les cheveux défaits. Claude Ascolovitch est en tongs. Thomas Legrand ne met plus de chaussettes dans ses chaussures. Augustin Trapenard a enfilé un pantacourt jaune. Et, comble du laisser-aller, Bernard Guetta, depuis plusieurs jours, a abandonné son imperméable mastic. Les récréations sont de plus en plus longues. À la radio, ça s'appelle de la publicité. À France Inter, comme les résultats sont plutôt bons dans l'ensemble, l'établissement est plutôt bien noté. En ce moment, la directrice est plus apaisée et fait moins de sciatique. Surtout, elle espère bien que tout le monde sera là en septembre. Normalement, oui, en ce moment, le privé fait moins rêver. Quand elle est trop angoissée, la directrice fait des sciatiques. Quand elle fait des sciatiques, elle est énervée. Elle a quand même convoqué les parents de Frédéric Becbédé. Elle leur a dit qu'elle trouvait que Frédéric avait des possibilités, mais qu'il les utilisait trop. Elle se demande si parfois il vient pas en studio avec de l'alcool ou des produits illicites, vu la teneur de certaines de ses chroniques. Les parents de Frédéric étaient embêtés. Ils ont dit on peut pas le mettre dans le privé, ils en veulent pas. Ce que craint la directrice, c'est qu'il exerce une mauvaise influence sur les autres, notamment sur Alex Vizorek, qui est très très jeune d'esprit et surtout très influençable. Pour Nicole et Sophia, elle n'est pas inquiète, ce sont des filles, elles sont plus structurées mentalement. Voilà, c'est ma chronique de fin d'année. Si je veux, je peux chantonner pendant 20 secondes. Ou faire des bruits avec ma bouche. Personne ne me dira rien, tout le monde s'en fout dans la tête, on est déjà sur les plages. Les CE2, CM1 du monde de l'école des vergers de Saint-Georges-des-Groseilliers, je ne vous l'apprendrai pas, ont travaillé toute l'année sur l'idée du voyage et ont fait toute une collection de cartes postales exposées sur le mur des classes. Ce qui serait bien, vous qui m'écoutez, c'est qu'avant la fin de l'année scolaire, qui aura donc lieu dans une semaine, le 7 juillet, si vous avez le temps, vous envoyez une carte postale de l'endroit où vous êtes pour dire bonjour et par exemple souhaiter de bonnes vacances ou tout ce qui vous passe par la tête. Je vous rappelle l'adresse, les CE2 CM1 du Monde, l'école des vergers, 7 rue de Flers, F-L-E-R-S, 6100 Saint-Georges-des-Groseilliers. Oui. Faites vite pour envoyer votre carte postale, le mieux c'est de l'écrire aujourd'hui, de l'envoyer dans la foulée. Sinon moi je vous retrouve l'année prochaine, je ne passe pas en classe supérieure, mais on me garde quand même pour la 10e année consécutive. Je redouble. Ouais, on espère que ça aura un effet positif. Merci François Morel.